Une fête de nuit à Yildiz Kiosk par Pierre Loti. Arrivant à l'hôtel, j'y trouve un mot de son excellence, le grand vizir, m'informant que sa majesté le sultan veut bien m'inviter à venir ce soir au palais de Yildiz, assister aux illuminations de Kadir Gwideshi. Un chaouche, me dit-il, et une voiture sont là pour vous prendre. Environ trois quarts d'heure après, presque en retard, ayant dîné à la diable, et fait avec fièvre ma toilette de cour, je roule à toute vitesse vers Yildiz, dans un landau découvert, escorté d'un chaouche au galop, fendant la foule de Pera. Les illuminations merveilleuses du ramadan s'allument partout. Entre les banales maisons, quand une échappée de lointain apparaît, on dirait d'une féerie. C'est loin, ce palais du Yildiz, presque dans la campagne, du côté opposé à Stamboul, auquel nous tournons le dos dans notre course empressée. Le Bosphore, qu'on aperçoit aussi de temps en temps, et au-delà, Scutari, sont illuminés comme la côte d'Europe. La féerie se prolonge de tous côtés jusqu'aux dernières limites du champ de vue. En avant de nous, courant en sens inverse, voici un flot de monde, une masse humaine, qui se précipite comme furieuse, des hommes demi-nus galopant et criant, et au loin, « Yan Gondbar !» Le feu, c'est le feu, avec tant de maisons en bois, ici c'est continuel. Tout un quartier brûle là-bas, jetant dans le ciel une grande lueur rouge, ajoutant à la fête une illumination imprévue. Ces choses que l'on traîne si vite avec un bruit lourd, ce sont les pompes, attelées d'hommes affolés qui courent à toutes jambes. Elles accrochent les roues de ma voiture, crient et bousculades, mais on reconnaît le chaouche du palais, on s'écarte et nous passons. Maintenant des avenues de banlieue, larges et droites, presque vides, où nous reprenons notre train, ventre à terre. Puis, devant nous, une grande lueur blanche et verte, non plus d'incendie, mais de feu de Bengale, les jardins de Yildiz. Nous franchissons des grilles. Alors, subitement, plus de foule ni de bruit. Nous galopons dans des allées vides, silencieuses, illuminées à profusion, bordées de myriades de feux qui forment des guirlandes et des girandoles. Rien que des feux blancs dans la verdure, aucun bariolage ici sur la terre, tandis que, par contre, le ciel est entièrement étoilé de fusées bleues et rouges, rayées de pluies de feux de toutes les couleurs. Les allées, où il n'y a toujours personne, vont en montant. Il y fait de plus en plus clair, de lumière blanche, tandis qu'un côté de l'horizon reste ensanglanté par du rouge d'incendie. Une grille encore, puis des bataillons de cavaliers et de fantassins nous barrent le passage, formant la haie serrée. Ils portent tous des torches ou des lanternes comme pour quelques gigantesques retraites aux flambeaux. Des centaines d'officiers sont là aussi, vêtus pour la plupart, du dolman oriental aux longues manches flottantes, aux labellés et imposantes armées. Ces milliers d'hommes, si immobiles, semblent absorbés dans un recueillement religieux au milieu de cette clarté étrange qui éblouit, sous cette pluie de feux de couleurs changeantes dont le ciel de la nuit est traversé. Le chaouche qui me guide a les mots de passe et les rangs s'ouvrent devant nous. Il me conduit au premier étage, dans un pavillon du palais, salon vide où il fait étonnamment clair, clair des lampes intérieures et de l'illumination du dehors, dont la lueur immense entre par les fenêtres grandes ouvertes. Les boiseries, les meubles sont blancs et or. Tout est lumineux et blanc. À je ne sais quelle forme particulière du silence, on a le sentiment de cette agglomération d'hommes en armes qui sont là, muets, retenant presque leur souffle, oppressés par la présence du souverain. Et une admirable musique religieuse arrive du dehors. Un chœur de voix d'hommes très fraîches, très limpides, qui psalmodie sur des notes singulièrement hautes, avec quelque chose de pas naturel, d'extraterrestre, si l'on peut dire ainsi. Un aide de camp me reçoit dans ses salons. « Le sultan, me dit-il, est encore à la mosquée impériale, où partent ses chants mélodieux et suaves. Mais la prière touche à sa fin, et en approchant d'une fenêtre, je verrai tout à l'heure sa majesté sortir. À une cinquantaine de pas de moi, un peu en contrebas de la fenêtre où je suis, cette mosquée m'apparaît. Elle est toute fraîche et toute blanche, très dentelée d'arabesques en style d'Alhambra. Illuminée par en dedans et par en dehors, elle semble transparente autant qu'une fine découpure d'albâtre, et cette musique qui s'en échappe lui donne quelque chose d'irréel. Elle est comme la principale pièce de l'immense feu d'artifice qui ce soir brûle partout. Alentour de son dôme étrangement lumineux, apparaissent, avec leurs myriades de globes blancs, les avenues, les jardins par lesquels je suis arrivé. Des nuages de feu de Bengale embrouillent devant moi tous les lointains, confondent toutes les perspectives, déjà compliquées par la hauteur d'où je regarde. Un gigantesque transparent, suspendu on ne sait comment dans l'air, porte une inscription arabe brillante sur un fond couleur de nuit. avec toutes les fantasmagories éblouissantes qui rendent la vue imprécise, il est impossible de deviner à quelle distance cette inscription aérienne est placée. Elle paraît grande et lointaine comme un signe du ciel. Elle préside à cette fête de lumière. C'est elle qui lui donne son caractère musulman, son caractère sacré. Et au-delà encore, on distingue des coins du vrai lointain. Sur une bague étendue noire, qui doit être le Bosphore, posent de petits objets brillants, d'une forme spéciale, qui sont des navires illuminés jusqu'aux pointes de leurs mâts. Directement au-dessous de moi, la superbe armée, toujours immobile et recueillie, suit en esprit les prières qui se chantent dans la lumineuse mosquée d'en face. Il semble qu'en ce moment l'âme de l'islam se soit concentrée dans ce blanc sanctuaire. Oh, ces chants, qui vibrent sous cette coupole, monotones comme des incantations de magie et d'une sonorité si belle et si rare. Voix d'enfant ou voix d'ange, on ne sait trop. C'est aussi quelque chose de très oriental. Cela se maintient sans fatigue dans des notes surélevées, tout en restant d'une inaltérable fraîcheur de hautbois. C'est long, long, sans cesse recommencé. C'est très doux, très berceur. Et pourtant, cela exprime avec une infinie tristesse le néant humain. Cela donne le vertige des grands abîmes. Cependant, le sultan va sortir. Les troupes frémissent d'un léger mouvement attentif. Un landau, attelé de chevaux de parade, qui trotte tout cabré, tout debout, vient se ranger devant les marches de marbre de la mosquée, sur lesquelles on a jeté des tapis rouges. En même temps, une trentaine de serviteurs accourent, chacun portant une de ces énormes lanternes de soie blanche, d'un mètre de haut, qui sont d'étiquette, depuis un temps immémorial, pour les sorties nocturnes des califes. Sous la coupole, le cœur religieux chante plus vite et plus fort dans l'exaltation finale. Allah, voici le sultan. Le palais, les jardins, le ciel s'embrasent d'un feu plus clair. Le canon tonne comme un grand orage, et toutes les troupes, inclinées jusqu'à terre, crient ensemble, avec leurs milliers de voix, « Allah, Allah !» en longue clameur profonde. Pour franchir les 100 mètres qui séparent la mosquée des portes du palais, le landau a pris le galop de course, emportant le souverain. Derrière lui, d'autres voitures magnifiques galopent aussi, ramenant les princesses voilées qui ont assisté à la prière. Les serviteurs, affolés, courent alentour, agitent leurs grandes lanternes blanches, et les troupes se referment sur ce cortège avec un cliquetis d'armes. C'est fini. À la suite d'un aide-de-camp, je traverse des salons, des couloirs aux murailles et aux colonnes de nuances claires et légèrement dorées. Il y a ici, à Yeldiz, une grande sobriété d'ornementation et comme une trêve de luxe, le souverain, qui possède, le long du Bosphore, des palais de fées dans des sites incomparables, préfère, pour son travail et pour son repos, la simplicité relative de cette résidence qu'il a fait construire lui-même à côté d'un grand parc d'ombre. Me voici enfin dans une sorte d'immense antichambre de cour, également simple, dont le seul luxe consiste en tapis magnifiques étouffant le bruit des pas. Elle est, ce soir, peuplée de généraux, d'aides de camp de toutes armes, en grand uniforme, les uns portant la longue tunique droite, les autres le dolman oriental à grandes manches flottantes, les uns coiffés du fez rouge, les autres du bonnet d'astrakhan noir. Ils ont un très grand air guerrier. Leur assemblée, à ce seuil des appartements impériaux, est plus imposante que toutes les magnificences, et parmi eux, voici l'héroïque figure d'Osman le Ghazi, le défenseur superbe de Plevna. Tous sont debout, parlant à voix basse, ce qui semble indiquer le voisinage très proche du souverain. En effet, dans un petit salon latéral où me conduit le grand maître des cérémonies, se tient Sa Majesté le Sultan, seul, assis sur un canapé. Il porte un uniforme de général que recouvre une capote en drap brun, et rien d'extérieur ne se le distingue des officiers de son armée. Il y avait très longtemps que je n'avais eu l'honneur de voir Sa Majesté, et tandis que je m'incline pour le salut de cour, je songe tout à coup, avec un peu de mélancolie, à une première entrevue irrégulière, dont le souverain, évidemment, ne peut avoir gardé aucun souvenir. C'était il y a tantôt 15 ans, sur le Bosphore, le matin de son avènement au trône, un de ces matins de clair soleil, qui, revus au fond du passé, nous semblent plus lumineux que ceux de nos jours. Les grands caïques impériaux, à éperon d'or, étaient venus le prendre à la pointe du vieux sérail, pour le conduire au palais de Dolmabahçe. C'était de très bonne heure, il n'y avait aucune foule sur la mer, ni du reste, aucune garde autour du cortège, et mon caïque, à moi qui passais là sans le savoir, avait, par une maladresse de nos bateliers, abordé le sien. Alors le jeune prince, qui allait tout à l'heure devenir le calife suprême, avait machinalement jeté sur moi un de ces regards distraits qui ne voient pas, son œil noir paraissant plongé avec anxiété dans les choses de l'avenir. Hélas, l'avenir de ce jour-là est devenu le passé d'aujourd'hui, et cette image, évoquée dans ma mémoire, me fait mesurer soudainement l'abîme de temps mort qui déjà nous sépare l'un et l'autre de cette matinée de soleil et de prime jeunesse. L'accueil du sultan pour ses hôtes est toujours d'une bienveillance exquise, d'une distinction très simple, d'une bonne grâce toute naturelle. Ils resteront pour moi inoubliables les instants de ce soir-là pendant lesquels j'ai eu l'honneur de causer avec le souverain, dans le calme un peu étrange de ce petit salon très sobrement meublé, très quelconque en somme, mais dont le seuil était si glorieusement gardé par ces chefs militaires parlant à voix basse, et dont les fenêtres s'ouvraient sur le tumulte lointain de la grande ville en fête, sur le ciel tout clair de feux de Bengale et de lueurs d'incendie. Assuré d'être compris et d'être excusé avec la plus charmante indulgence, j'ai osé dire tout mon regret mélancolique de voir s'en aller les choses anciennes, de voir s'ouvrir et se transformer le grand Stamboul. Mais j'ai arrêté là ma plainte d'artiste. Ce que j'aurais aimé y ajouter, un passant comme moi ne peut se permettre de le faire dans une causerie avec un souverain, même pendant la plus gracieuse des audiences. Pauvre grand Turquie, si fier à l'époque où la foi, le rêve sublime et la noble bravoure personnelle faisaient la force des nations, comment sera-t-elle bientôt entraînée fatalement dans l'universelle banalité moderne, aux prises avec les mille petites choses mesquines, pratiques, utilitaires, qu'elle pouvait dédaigner jadis? Comment sera-t-elle, surtout quand ses fils ne croiront plus? En exprimant mon attachement si profond pour ce peuple brave, j'aurais été tenté pourtant de laisser paraître un peu de mon inquiétude attristée, d'essayer de savoir si le calife, au-delà des transitions effroyables du présent, entrevoit quelques mystérieuses aurores de temps nouveau, que mes yeux moins clairs ne peuvent pas distinguer encore. Ainsi s'achève une fête de nuit à Yeldiz Kiosk par Pierre Loti.